j'ai pas de part dans l'humanité. Langue sympathique peut bien couler, je m'en fiche. Tout ce qui m'importe c'est de gagner. Les derniers seront les premiers à ce petit jeu qu'on appelle la triche. Pourquoi devrais-je me tracasser d'avoir à dire la vérité? Elle s'invente souvent, s'efface aussi vite. J'ai pas besoin de t'expliquer, c'est l'époque qui fait le gibier. J'suis qu'un faux cul au milieu de sa type. J'suis un faux cul, faux frère, faux numéro, vire tes fossiles. Et moi, j'poserai le marteau, on fait semblant d'y croire. Moi j'aimerais que ça s'arrête. Tout ça faux sein, faux stand, faux scénario. C'est pas la vie que j'veux, mais j'suis dans l'eau. J'sais pas nager, aide-moi à me tirer vers le haut. Faux de nos jours, y'en a partout. Ben fais comme moi, je ne dis pas tout. Les faux jetons se ramassent à l'appel. Faut se débrouiller, sauver sa peau. Et qu'importe où est le goulot, tant que ça rentre et que je reste en selle. J'ai pas choisi d'être ton ami. Dans mon monde, y'a que des ennemis. On se détruit et on renaît ensuite. On ne sait pas qui a fait quoi. Responsable, vous n'y pensez pas. Je ne suis pas né pour assumer mes vices. J'suis qu'un faux cul, faux frère, faux numéro. Vire tes fossiles et moi, j'poserai le marteau. On fait semblant d'y croire, moi j'aimerais que ça s'arrête. Tout ça faux sein, faux stand, faux scénario. C'est pas la vie que j'veux, mais j'suis dans l'eau. J'sais pas nager, aide-moi à me tirer vers le haut. Dans cette chanson, pourtant je veux plus tourner en rond. Un jour je serai peut-être devant Monsieur Saint-Pierre, en train d'implorer son pardon, en lui disant j'ai été bon. C'est ça l'art d'éviter la misère. Il me dira c'est bien mon petit, parfois il faut choisir la vie. Mais c'est trop tard pour sortir tes prières. Je te rends ta vie de gigolo, je te renvoie faire le rigolo. À toi de t'aider tous les faux culs de la terre. J'suis qu'un faux cul, faux frère, faux numéro. Vire ton fossile et moi, j'poserai le marteau. On fait semblant d'y croire, moi j'aimerais que ça s'arrête. Tout ça faux sein, faux stand, faux scénario. C'est pas la vie que j'veux, mais j'suis dans l'eau. J'sais pas nager, aide-moi à me tirer vers le haut. J'suis qu'un faux cul, faux frère, faux numéro. Vire ton fossile